Dixième chapitre. Mon premier voyage de pilotin fut à bord du Lusitano, union des chargeurs, voyage du Havre à Rio de Janeiro. Quelques jours avant le départ, un jeune homme vint à moi me disant « C'est vous mon successeur comme pilotin. Tenez, voici un petit carton » et une lettre que vous serez bien aimable de faire parvenir à son adresse. Je lus « Madame Aimé Rua Dovidor ». « Vous verrez, me dit-il, une charmante femme à laquelle je vous recommande d'une façon toute particulière. Elle est, comme moi, de Bordeaux. » Je vous fais grâce, lecteur, du voyage en mer, cela vous ennuierait. Je vous dirai pourtant que le capitaine Tombarel était un quart de nègre tout à fait charmant papa, que le Lusitano était un joli navire de 1200 tonneaux, très bien aménagé pour passagers et qui filait par belle brise ses 12 nœuds à l'heure. La traversée fut très belle, sans tempête. Comme vous le pensez, ma première occupation fut d'aller avec mon petit carton et la lettre à l'adresse indiquée. Ce fut une joie. Comme il est gentil d'avoir pensé à moi. Et toi, laisse-moi te regarder, mon mignon, comme tu es joli. J'étais à cette époque tout petit, et j'avais, malgré mes 17 ans et demi, l'air d'en avoir 15. Malgré cela, j'avais fauté une première fois au Havre avant de m'embarquer, et mon cœur battait la breloque. Ce fut pour moi un mois tout à fait délicieux. Cette charmante aimée, malgré ses 30 ans, était tout à fait jolie, première actrice dans les opéras d'Offenbach. Je la vois encore richement habillée partir dans son coupé attelé d'une ardente mule. Tout le monde la courtisait, mais à ce moment-là, l'amant en titre était un fils de l'empereur de Russie, élève sur le vaisseau école. Il fit de telles dépenses que le commandant du navire alla trouver le consul de France pour que celui-ci intervînt adroitement. Notre consul fit venir Aimé dans son bureau et lui fit maladroitement quelques remontrances. Aimé, sans colère, se mit à rire et lui dit « Mon cher consul, je vous écoute avec ravissement et je crois que vous devez être un très fin diplomate, mais je crois aussi qu'en matière de cul, vous n'y entendez rien. » Et elle partit en chantant « Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader ma vertu ?» Et Aimé fit cascader ma vertu. Le terrain était propice, sans doute, car je devins très polisson. Au retour, nous eûmes plusieurs passagères, entre autres une Prussienne tout à fait boulotte. Ce fut au tour du capitaine d'être pincé, et il chauffait dur, mais inutilement. La Prussienne et moi, nous avions trouvé un nid charmant dans la soute aux voiles, dont la porte donnait sur la chambre près de l'escalier. Menteur au possible, je lui racontai un tas d'absurdités et la Prussienne, tout à fait pincée, voulut me revoir à Paris. Je lui donnai comme adresse la Farcie, rue Joubert. C'était très mal et j'eus du remords quelque temps, mais je ne pouvais pas cependant l'envoyer chez ma mère. Je ne veux pas me faire meilleur ni pire que je suis. À 18 ans, on a en soi bien des graines. Rougeon, homme de lettres, directeur des Beaux-Arts. Une audience m'est accordée et on m'introduit. À cette même direction, j'avais été introduit 2 années auparavant avec Harry Renan, devant aller étudier à Tahiti. Et pour m'en faciliter l'étude, le ministre de l'Instruction publique m'avait accordé une mission. C'est à cette direction qu'on me dit « Cette mission est gratuite, mais selon nos usages, et comme nous l'avons fait précédemment pour la mission du peintre Dumoulin au Japon, nous vous dédommagerons au retour par quelques achats. » Tranquillisez-vous, monsieur Gauguin, quand vous reviendrez, écrivez-nous et nous vous enverrons le nécessaire pour le voyage. Des paroles, des paroles. Me voilà donc chez l'Auguste Rougeon, directeur des Beaux-Arts. Il me dit délicieusement, je ne saurais encourager votre art qui me révolte et que je ne comprends pas. Votre art est trop révolutionnaire pour que cela ne fasse pas un scandale dans nos beaux-arts dont je suis le directeur, appuyé par des inspecteurs. Le rideau s'agita et je crus voir Bouguereau, un autre directeur, qui sait peut-être le vrai. Certainement il n'y était pas, mais j'ai l'imagination vagabonde, et pour moi il y était. Comment, moi, révolutionnaire? Moi qui adore et respecte Raphaël, qu'est-ce qu'un art révolutionnaire? À quelle époque cesse sa révolution? Si ne pas obéir à Bouguereau ou à Rougeon constitue une révolution, alors là j'avoue être le Blanqui de la peinture. Et cet excellent directeur des Beaux-Arts, centre droit, me dit aussi, en ce qui concernait les promesses de son prédécesseur, « Avez-vous un écrit ?» Les directeurs des Beaux-Arts seraient-ils encore moins que les plus simples mortels des bas-fonds de Paris pour que leurs paroles, même devant témoins, ne soient valables qu'avec leur signature? Pourtant, soit peu qu'on ait conscience de la dignité humaine, on n'a plus qu'à se retirer. C'est ce que je fis immédiatement, pas plus riche qu'auparavant. Un an après mon départ pour Tahiti, deuxième voyage, ce très aimable et délicat directeur ayant appris par quelqu'un de naïf, sans doute, que mon admirateur croyait encore aux bonnes actions, que j'étais à Tahiti cloué par la maladie et dans une atroce misère, m'envoya très officiellement une somme de 200 francs, à titre d'encouragement. Comme on le pense, les 200 francs sont retournés à la direction. On doit à quelqu'un et on lui dit « Tenez, voici une petite somme dont je vous fais cadeau à titre d'encouragement. » J'ai eu l'intention de haïr Bouguereau, puis c'est devenu de l'indifférence. Plus tard même, ce fut même le sourire quant à Arles, allant au grand numéro chez le père Louis. Celui-ci, très fier, me fit faire connaissance avec son salon extra. En qualité d'artiste, je ne pouvais être bon juge, disait-il. Dans ce salon, de très belles éditions Goupil, une Vierge de Bouguereau et, en pendant, du même, une Vénus. Le père Louis, en cette occasion, se montra homme de génie. En très splendide maquereau qu'il était, il avait compris l'art peu révolutionnaire de Bouguereau et quelle était sa place. Cabanel, c'est une autre affaire. Je l'ai haï de son vivant, je l'ai haï après sa mort, et je le haïrai jusqu'à la mienne, et voici pourquoi. Je fis, jeune homme, un voyage dans le Midi, et à Montpellier, je visitai ce fameux musée construit et donné avec toute la collection par M. Bria. Inutile de raconter quel était ce fameux Bria peintre et l'ami des peintres, ce qui fit le désespoir de Raoul de Saint-Victor. Dans ce musée, le fond de la collection était une très belle collection de peintres italiens, Giotto, Raphaël, etc. Intermédiairement, des Millet, des bronzes de Bari. De là, on arrivait à une très grande salle, dont le tiers se trouvait en surélévation de quelques marches, la collection intime de Bria, c'est-à-dire la sélection, à une époque, des peintres révolutionnaires. Oh, Rougeon ! Le portrait de Bria par lui-même, par Courbet, par Delacroix et d'autres. De Courbet, nombreuses toiles, entre autres son grand tableau des baigneuses. De Delacroix, nombreuses études et maquettes pour ses grandes décorations, entre autres un Daniel dans la fosse au Lion, des Tassaerts, etc. Une toile magistrale de Chardin, un grand portrait d'une noble dame assise devant une table et faisant de la tapisserie. L'ensemble de tout cela, quoique révolutionnaire, était pour moi une source de joie, quand tout à coup mon œil se fixa sur un point tout à fait désharmonieux. Une petite toile représentant une tête de jeune homme, joli garçon, comme un merlan. Stupidité et fatuité. Cabanel peint par lui-même. J'ai fait un oubli dans cette nomenclature, plusieurs choses de Ingres, entre autres un tableau fameux dont ma mémoire me faisant défaut, j'ai oublié le titre. C'est un jeune roi couché dans un lit et qui va mourir avec son secret. Dans l'alcôve, le médecin a la main placée sur le cœur du jeune homme. Les jeunes servantes défilent et le cœur, à la vue de l'une d'elles, tressaillit. C'est un morceau de Ingres de premier ordre. Bien des années plus tard, je revins en compagnie de Vincent visiter à nouveau ce musée. Quel changement! La plupart des dessins anciens avaient disparu et de toutes parts, à leur place, des acquisitions de l'État, troisième médaille. Cabanel et toute son école avaient envahi le musée. Il faut vous dire que Cabanel était de Montpellier. Je hais la nullité, la demi-route, et dans les bras de l'aimé qui me dit « Oh, mon beau Rolla, tu me tues !» je ne veux pas être obligé de lui dire « Non, je te rate !» Il me faut tout. Je ne peux, mais je veux la conquérir. Laissez-moi prendre haleine et remis m'écrier « Verse, verse encore !» courir, m'essouffler, mourir follement. Sagesse, que tu m'ennuies, bâillant sans cesse. La philosophie est lourde, si d'instinct elle naît en moi. Douce au sommeil avec le rêve qui lui donne parure. Ce n'est pas science, tout au plus en germe. Multiple comme tout dans la nature, évoluant sans cesse, elle n'est pas une conséquence comme de graves personnages voudraient nous l'enseigner, mais bien une arme qu'en sauvage nous seuls fabriquons par nous-mêmes. Elle ne se manifeste pas comme une réalité, mais comme une image, tel un tableau, admirable si le tableau est un chef-d'œuvre. L'art comporte la philosophie comme la philosophie comporte l'art. Sinon, que devient la beauté? Le colosse remonte au pôle, le pivot du monde. Son grand manteau réchauffe et abrite les deux germes, Séraphitus, Séraphita, âme féconde s'alliant sans cesse, qui sortent de leur vapeur boréale pour aller sur tout l'univers apprendre, aimer et créer. Vous voulez m'apprendre ce qui est en moi? Apprenez d'abord ce qui est en vous. Vous avez résolu le problème, je ne saurais le résoudre avec vous, et il nous appartient à tous de le résoudre. Labeur sans fin. Sinon, que serait la vie? Nous sommes ce que nous avons été de tous les temps, et nous sommes ce que nous serons dans tous les temps, une machine ballottée par tous les vents. Les marins adroits et prévoyants évitent le danger là où les autres succombent, tenant compte cependant d'un je ne sais quoi qui fait vivre l'un au même endroit où un autre agissant pareillement meurt. Les uns veulent, d'autres se résignent sans combat. J'estime que la vie n'a de sens que quand on la pratique volontairement ou tout au moins en son degré de volonté. La vertu, le bien, le mal sont des mots. Si on ne les broie pour construire un édifice, ils n'ont leur vrai sens que si l'on sait les appliquer. Se remettre entre les mains de son Créateur, c'est s'annuler et mourir. Saint Augustin et Fortuna le Manichéen en présence ont raison et tort tous deux, car là rien ne se constate. Le pouvoir du bien et le pouvoir du mal, se remettre entre leurs mains, c'est grave et bien peu digne, c'est l'excuse. Personne n'est bon, personne n'est méchant. Tout le monde l'est semblablement et autrement. Inutile à dire si les roublards ne disaient le contraire. C'est si peu de choses la vie d'un homme, et il y a cependant le temps de faire de grandes choses, morceaux de l'œuvre commune. Je veux aimer et je ne peux pas. Je veux ne pas aimer et je ne peux pas. On traîne son double, et cependant les deux s'arrangent. J'ai été bon quelquefois, je ne m'en félicite pas. J'ai été méchant souvent, je ne m'en repens pas. Sceptique, je regarde tous ces saints et ne les vois vivants. Aux niches de cathédrale, ils ont un sens, là seulement. Gargouilles aussi, monstres inoubliables, mon œil en suit les accidents sans effroi, bizarres enfantements. L'ogive gracieuse allège la pesanteur du monument. Les grandes marches invitent les passants curieux à voir le dedans. Le clocher, croix d'en haut, le grand transept, croix du dedans. Dans sa chair, le prêtre bafouille de l'enfer. Sur leurs chaises, ces dames causent de mode, et j'aime mieux cela. Comme on le voit, tout est sérieux, ridicule aussi. Les uns pleurent, les autres rient. Le château féodal, la chaumière, la cathédrale, le bordel. Qu'y faire? Rien. Il faut que cela soit. Et après tout, ça n'a pas de conséquences. La terre tourne toujours. Tout le monde chie. Zola seul s'en occupe. Mon grand-père me disait « de notre temps ». Et à mon tour, grand-père, je dirais « de mon temps ». Notre et mon, il y a une nuance. C'est la marche ascendante du moi sur le vous. On nous parle d'Abraham, de la famille, de César, de Brutus, etc. C'est qu'on a du temps à perdre. Abraham est là-bas et les enfants qu'on ne sacrifie plus sont aux cinq parties du monde. L'un est ministre et son frère est macro. Le fils à Brutus, c'est aujourd'hui le fils à papa. Allez donc philosopher avec tout ça, à moins qu'on veuille dire par là « Che va piano, va sano ». Les gens graves regardent un hareng sec, sec, sec pendu à un clou de la muraille, lui disant « Hareng, sors de là !» Tout comme les augures dans la belle Hélène qui font aussi leur calembour. Soyons tous dans le train, soyons bécards, demi-bécards, très snob. Sinon, nous courons le risque qu'un nouveau Roujon, directeur de la vie, nous disent que nous sommes trop révolutionnaires. Ces nymphes, je les veux perpétuer, et il les a perpétuées, cette adorable Mallarmé, gaie, vigilante d'amour, de chair et de vie, près du lierre, qui enlace à ville d'Avray les grands chênes de coraux, aux teintes dorées, d'odeur animale pénétrante, saveur tropicale ici comme ailleurs, de tous les temps, jusque dans l'éternité. Les tableaux et les écrits sont des portraits de l'auteur. La pensée n'a d'œil que pour l'œuvre. Regardant le public, l'œuvre s'effondre. Quand l'homme me dit « il faut », je me révolte. Quand la nature, ma nature, me le dit, je ne transige que vaincu. On dit « verse, verse encore », cela n'a de valeur que si l'on souffre. Sur une intelligence qui est mienne, j'ai voulu édifier une intelligence supérieure qui deviendra celle de mon voisin si cela lui convient. L'effort est cruel, mais il n'est pas vain, c'est de l'orgueil et non de la vanité. Sur un fond d'azur, une couronne seigneuriale, une couronne d'ortie et pour devise, rien ne me cuit. C'est trivial, mais hautain. On monte en riant son calvaire, les jambes flageolent sous le poids de la croix. Arrivé, on grince des dents, et alors, redevenu souriant, on se venge. Verse encore. Femme, qu'y a-t-il de commun entre nous, les enfants? Ce sont mes disciples, ceux de la deuxième renaissance. Racheter les péchés des autres quand ils sont des pourceaux, et pour cela s'immoler? On ne s'immole pas, on se fait vaincre. Civilisés, vous êtes fiers de ne pas manger de chair humaine. Sur un radeau, vous en mangeriez, devant Dieu qu'enfin tremblant vous invoquez. En revanche, tous les jours, vous mangez le cœur de votre voisin. Contentez-vous donc de dire « je n'ai pas fait », n'étant pas sûr de dire « je ne ferai ». Mais tout cela est triste? Oui, si vous ne savez pas en rire. Chez l'Indien, au supplice, l'orgueil de savoir sourire devant la douleur rachète grandement la souffrance. Et pourquoi forger les pleurs pour en pleurer? On raisonne, mais libre. C'est peut-être là la force du peuple. Chez l'enfant aussi, l'instinct régit la raison. Jean-Jacques Rousseau se confesse. C'est moins un besoin qu'une idée. L'homme du peuple est sale, mais apte à se nettoyer. On ne voulait pas le croire, et cependant, il a fallu le croire. C'est autre chose que Voltaire qui a dit à la caste noble « Vous êtes ridicule, nous sommes ridicules, restons ridicules. » Candide est un naïf enfant. Il en faut, restons ce que nous sommes. Jacques le fataliste reste fatalement le serviteur. Jean-Jacques Rousseau, c'est autre chose. L'éducation d'Émile, celle qui révolte un tas de braves gens, c'est encore la plus lourde chaîne qu'un homme ait essayé de briser. Moi-même, dans mon pays, je n'ose y penser. Ici, désormais éclairé, tranquillement je regarde. J'ai vu un chef indigène, celui qui, sans la domination française, serait devenu roi, demander à un colon blanc marié avec une blanche, lui demander un de ses enfants. L'adoptant, il lui aurait donné presque toutes ses terres et 500 piastres d'économie en paiement au père. Ici, l'enfant est pour tous le plus grand bienfait de la nature, et c'est à qui l'adoptera. Voilà la sauvagerie des Maoris, celle-là je l'adopte. Tous mes doutes se sont dissipés. Je suis et je resterai ce sauvage. Le christianisme ici ne comprend rien. Heureusement que malgré tous ces efforts, conjointement avec les lois civilisées de succession, le mariage n'est qu'une cérémonie d'amusement. Le bâtard, l'enfant adultérin, seront comme par le passé des monstres imaginaires de notre civilisation. Ici, l'éducation d'Émile se fait au grand soleil qui éclaire, adopté de choix par quelqu'un et adopté par toute la société. Souriantes, les jeunes filles, librement, peuvent enfanter autant d'Émile qu'elles voudront. Les subterfuges de la parole, les artifices du style, brillants détours qui me conviennent quelquefois en tant qu'artiste, ne conviennent pas à mon cœur barbare, si dur, si aimant. On les comprend et l'on s'exerce à les manier, luxe qui concorde avec la civilisation et dont je ne dédaigne pas les beautés. Sachons nous en servir et nous en réjouir, mais librement, douce musique qu'à mon heure j'aime à entendre, jusqu'au moment où mon cœur réclame le silence. Il y a des sauvages qui s'habillent quelquefois. J'ai peur que la jeunesse, sortant d'un même moule, trop jolie à mon idée, ne puisse, quoi qu'elle fasse, en effacer la trace. L'art pour l'art, pourquoi pas? L'art pour vivre, pourquoi pas? L'art pour plaire, pourquoi pas? Qu'importe si c'est de l'art. Alors, à 20 ans, on dit « ce sera ». J'en ai déjà tellement lu qui l'ont dit. Quelle veine! Et si un jour le nuage se dissipe, il faudra s'entêter ou dire à nouveau « ce n'est plus cela ». Mais maintenant, ce sera. Ainsi de suite, jusqu'au vieillage. J'en ai vu, tellement vu, de ces chrysostomes qui parlent d'or, un tas de fronts plissés. Ça me rapetissait, mais je me disais, je me rattraperais. L'artiste, à 10 ans, à 20 ans, à 100 ans, c'est toujours l'artiste, tout petit, un peu grand et très grand. N'a-t-il pas ses heures, ses moments, jamais impeccables, puisqu'homme est vivant? Le critique lui dit, voilà le nord. Un autre lui dit, le nord, c'est le sud. Soufflant sur un artiste comme sur une girouette. L'artiste meurt, les héritiers tombent sur l'œuvre, classent les droits d'auteur, l'hôtel des ventes, les inédits et tout ce qui s'ensuit. Le voilà déshabillé complètement. Pensant à cela, je me déshabille auparavant, ça soulage. Cézanne peint rutilant paysage, fond d'outre-mer, vert pesant, ocre qui chatoie. Les arbres s'alignent, les branches s'entrelacent, laissant cependant voir la maison de son ami Zola aux volets vermillons qu'orangent les chromes qui scintillent sur la chaux des murs. Les véronaises qui pétardent signalent la verdure raffinée du jardin et en contraste le son grave des orties violacées au premier plan orchestre le simple poème. C'est à Médan. Prétentieux, le passant épouvanté regarde ce qu'il pense être un pitoyable gâchis d'amateur, et souriant professeur, il dit à Cézanne: vous faites de la peinture. Assurément, mais si peu. Oh, je vois bien, tenez, je suis un ancien élève de Corot, et si vous voulez me permettre, avec quelques habiles touches, je vais vous remettre tout cela en place. Les valeurs, il n'y a que ça. Et le vandale impudemment étale sur la rutilante toile quelques sottises. Les gris sales couvrent les soieries orientales. Cézanne s'écrie: monsieur, vous avez de la chance, et faisant un portrait, vous devez sans doute mettre les luisants sur le bout du nez, comme sur un bâton de chaise. Cézanne reprend sa palette, gratte avec le couteau toutes les saletés du monsieur. Et après un temps de silence, il lance un formidable paix, se retourne vers le monsieur, disant: hein, ça soulage! Je viens de lire. Les mains assorties, au besoin ça se comprend, mais mains assorties. Désormais je n'achèterai plus une paire de gants, mais un gant assorti. J'aime la critique quand elle m'instruit, j'aime aussi l'esprit quand il fleure bon, mais la blague, est-ce de la critique? Mais on fait son métier, tous les métiers ne sont pas nécessaires. Nous, sauvages, nous nous défions des fatras, et si l'on cogne, c'est la masse et non la perfide épingle assortie. Pesanteur et féminine distinction, au choix. Il s'agit d'un livre que je n'ai pas lu. Chez l'auteur, si cela est, il y a une autre chose qui le fait comprendre. Le critique n'en parle pas, c'est donc qu'on nous mystifie, nous et l'auteur. L'auteur dit que de près, ce serait ridicule de craindre l'homme, mais on le craint de loin. C'est peut-être très fin, mais assurément ce n'est pas vrai. Mon bon oncle d'Orléans, qu'on appelait Zizi parce qu'il se nommait Isidore et qu'il était tout petit, m'a raconté que lorsque j'arrivais du Pérou, nous habitions la maison du grand-père. J'avais 7 ans. On me voyait quelquefois dans le grand jardin, trépignant et jetant le sable tout autour de moi. « Eh bien, mon petit Paul, qu'est-ce que tu as ?» Je trépignais encore plus fort, disant « Bébé est méchant. » Déjà enfant, je me jugeais et j'éprouvais le besoin de le faire savoir. D'autres fois, on me voyait immobile, en extase et silencieux, sous un noisetier qui ornait le coin du jardin ainsi qu'un figuier. « Que fais-tu là, mon petit Paul ?»« J'attends que les noisettes, elles tombent. » En ce temps, je commençais à parler français, et par habitude sans doute de la langue espagnole, je prononçais avec affectation toutes les lettres. Un peu plus tard, je taillais avec un couteau et sculptais des manches de poignard sans le poignard, un tas de petits rêves incompréhensibles pour les grandes personnes. Une vieille bonne femme de nos amis s'écriait avec admiration « Ce sera un grand sculpteur !» Malheureusement, cette femme ne fut point prophète. On me mit externe dans un pensionnat d'Orléans. Le professeur dit « Cet enfant sera un crétin ou un homme de génie. Je ne suis devenu ni l'un ni l'autre. » Je revins un jour avec quelques billes de verre coloriées. Ma mère furieuse me demanda où j'avais eu ces billes. Je baissai la tête et je dis que je les avais changées contre ma balle élastique. « Comment, toi, mon fils, tu fais du négoce ?» Ce mot « négoce » dans la pensée de ma mère devenait une chose méprisante. Pauvre mère, elle avait tort et avait raison, en ce sens que déjà enfant je devinais qu'il y a un tas de choses qui ne se vendent pas. À 11 ans, j'entrai au petit séminaire où je fis des progrès très rapides. Je lis dans le Mercure quelques appréciations de quelques littérateurs sur cette éducation de séminaire dont ils ont eu à se débarrasser plus tard. Je ne dirai pas comme Henri de Régnier que cette éducation n'entre en rien dans mon développement intellectuel. Je crois, au contraire, que cela m'a fait beaucoup de bien. Quant au reste, je crois que c'est là où j'ai appris, dès le jeune âge, à haïr l'hypocrisie, les fausses vertus, la délation, semper tres, à me méfier de tout ce qui était contraire à mes instincts, mon cœur et ma raison. J'appris là aussi un peu de cet esprit d'Escobar qui, ma foi, est une force non négligeable dans la lutte. Je me suis habitué là à me concentrer en moi-même, fixant sans cesse le jeu de mes professeurs, à fabriquer mes joujoux moi-même, mes peines aussi, avec toutes les responsabilités qu'elles comportent. Mais c'est un cas particulier, et en général je crois que l'essai en est dangereux. Il y a quelque temps, un jeune homme, M. Rouard, fit en Belgique une conférence. J'aime assez que les jeunes, quitte à se tromper, bien intentionnés, soient à la recherche d'un meilleur, affirment leurs opinions. Sa parole fut éloquente sans rien prouver, en ce sens que la vie intellectuelle d'artiste ou autre ne se règle qu'avec les nécessités si diverses qui existent à chaque époque. Et si je croyais en pareil cas l'utilité de la parole, je ferais une conférence qui s'adresserait aux non-artistes, leur disant « Faites vivre les artistes ». Mais de quel droit dire à son voisin « Fais-moi vivre ». Il faudra se résigner à ce qu'il y ait des riches et des pauvres. Voilà plus de 30 ans que je vois des efforts de toute espèce en groupe et société, et je n'ai jamais vu que l'effort individuel qui puisse compter. Que dire de cette extraordinaire fumisterie, le Champ de Mars? À l'exposition universelle de 1889, les gens de la haute, dans les beaux-arts, allaient souvent se rafraîchir au café d'en face, le café Volpini. Sur mon instigation, les murs du café avaient été décorés avec des tableaux d'un petit groupe. J'en faisais partie. C'est là que le plus grand des peintres, Meissonnier, se frappa le front et dit « Messieurs, il est grand temps de devenir des peintres libres et libéraux. Lâchons cette ignoble boîte où il y a des jurys, des médailles, des récompenses, comme au collège. Plus de médailles désormais, maintenant que nous les avons toutes. Il nous faut élargir le centre de notre clientèle et pour cela faire une grande part aux artistes étrangers. À nous les dollars !» Ce fut une société splendide. La Norvège, la Suède, l'Amérique, les Paulsen, les Henriksen, les Harrison, tous les médiocrisen enfin. Une vraie invasion, impressionniste, synthétiste, libéraliste, symboliste. Liberté, égalité, fraternité, chacun sa simèse, on crut à une renaissance. Les Puvis de Chavannes, les Carrières, les Cazins, quelques autres mêlés avec les Carolus, les Bénards, les Frappas, tous également sociétaires, s'écriant « Place aux jeunes !» Mais pour cela, plus de médailles. C'était très malin, et les recettes devinrent extraordinaires. Monsieur Rouard, si je l'ai compris, a été préoccupé d'une chose qui perce malgré lui dans sa conférence. C'est la défense de la bourgeoisie. Pourquoi faire? Drummond défend-il le catholicisme en attaquant les juifs? Voyez-vous, je crois que nous sommes tous des ouvriers. Les uns s'encrapulent, les autres s'anoblissent. Nous avons tous devant nous l'enclume et le marteau. C'est à nous de forger. Enquête sur l'influence allemande. Nombreuses réponses que je lis avec intérêt. Et tout à coup, je me mets à rire. Brunetière. Comment? La revue du Mercure a osé s'adresser, interroger la revue des deux mondes? Brunetière, aussi long à réfléchir qu'il ne sait pas encore à qui il devra s'adresser pour lui faire sa statue. Rodin. Peut-être. Cependant, son Balzac était si peu réussi et ses bourgeois de Calais si peu savants. Et il dit, tout le monde aujourd'hui parle de tout sans rien avoir appris. Il me semble là que tout le monde a son paquet au mercure. Pauvres Rodin et Bartholomé qui croyaient avoir appris la sculpture. Pauvres Rémy de Gourmont qui croyaient avoir appris quelque peu de la littérature. Et nous, Pauvre public qui avons cru qu'il y avait d'autres artistes que Monsieur Brunetière. Il est évident que la foule s'incline devant celui qui est chargé de reliques, mais si j'en crois la fable, quelquefois les reliques sont trop lourdes et l'on se noie. Heureusement que je n'ai pas été interrogé, car sans modestie, moi qui n'ai rien appris, j'aurais été tenté de répondre que Corot et Mallarmé étaient bien français. Je serais alors aujourd'hui singulièrement mortifié. Je ne suis pas savant, mais je crois qu'il y a des savants. Je crois aussi qu'un savant trouvera un jour le principe exact de pondération entre le génie et le talent. Il me semble qu'en ce moment, plus le génie baisse, plus le talent monte. Je vais faire comme Monsieur Brunetière, je vais me mettre à réfléchir. Réfléchir si longtemps que je n'oserai plus tenir un pinceau et écrire quoi que ce soit. Il faut être prudent. Ne quittez pas le chapeau, sinon le génie s'envole. À ma fenêtre, ici, aux Marquises, à Atuana, tout s'obscurcit. Les danses sont finies, les douces mélodies se sont éteintes, mais ce n'est pas le silence. En crescendo, le vent zigzague les branches. La grande danse commence, le cyclone bat son plein, l'Olympe se met de la partie, Jupiter nous envoie toutes ses foudres, les titans roulent les rochers, la rivière déborde. Les immenses maillores sont renversés. Les cocotiers ploient leur échine et leurs chevelures frisent la terre. Tout fuit, les rochers, les arbres, les cadavres entraînés vers la mer, passionnante orgie des dieux en courroux. Le soleil revient, les cocotiers altiers relèvent leurs panaches, l'homme aussi. Les grandes douleurs sont passées, la joie est revenue, la mère sourit à l'enfant. La réalité d'hier devient la fable et on l'oublie. Il est temps de cesser tout ce bavardage, le lecteur s'impatiente, et je termine, non sans écrire à la fin une petite préface. J'estime, autrement que Brunetière, qu'aujourd'hui on écrit beaucoup trop. Entendons-nous sur ce sujet. Beaucoup, beaucoup savent écrire, c'est incontestable, mais très peu, excessivement peu, se doutent de ce que c'est que l'art littéraire, qui est un art très difficile. La même chose se passe pour les arts plastiques, et cependant tout le monde en fait. Il est cependant du devoir de chacun de s'essayer, de s'exercer. À côté de l'art, l'art très pur, il y a cependant, étant donné la richesse de l'intelligence humaine et de toutes ses facultés, beaucoup de choses à dire, et il faut les dire. Voilà toute ma préface. Je n'ai pas voulu faire un livre qui ait la plus petite apparence d'œuvre d'art, je ne saurais. Mais en homme très informé de beaucoup de choses qu'il a vues, lues et entendues dans tous les mondes, monde civilisé et monde barbare, j'ai voulu en pleine nudité, sans crainte et sans honte, écrire tout cela. C'est mon droit. Et la critique ne saura empêcher que cela soit, même si c'est infâme. Marquise, Atuana, janvier-février 1903.